connais pas cette chanson, je suis désolé. Je l'écouterai. Je croyais que c'était une impro. Dommage. C'est Garibald. I can sing this. J'attends à la rivière. Je surveille les chemins. Je n'ai rien d'autre à faire. Mais rien d'autre ne vient. J'attends le nez en l'air. Je me tords pas les mains. On gagne rien, on perd. Mais c'est plutôt rien. Et les blessures se ferment. Et attendre les rires. C'est le même refrain. Je m'en irai tout à l'heure. Je reviendrai demain. On ne sort pas du désert. On tourne sans fin. Le jour tombe et l'enfer. Pas aussi lointain, mais je ne suis pas amer. Toujours on en revient. Et les blessures se ferment. Et attendre les. Garde les bras ouverts. Le vent passe entre mes mains. C'est l'heure de la prière. Mais rien, rien ne vient. On finit par s'y faire. Avec un peu d'entrain. Que nos misères ne prennent jamais la fin. Et les blessures se ferment. Et attendre n'est rien. Et les larmes sont vaines. Et c'est le même. C'est le même refrain. C'est le même refrain.